Moi, je pense qu'à un moment donné, l'Israël comme on le connaît va être détruit. Ça risque de finir par arriver. L'affaire, je ne sais pas trop comment, mais ça pourrait aller vite. Si, c'est bizarre, hein, parce que s'il y a un conflit mondial, ben là, la Russie est alliée de l'Iran, puis bon. L'Iran, il est pas trop inquiétant tout seul de même, mais s'ils décident qu'ils font un vrai gros conflit, de toute façon, on serait supposé avoir un troisième conflit, un dernier. On dirait qu'ils n'envisagent pas qu'il y a peut-être une clique qui s'arrange pour que ça fitte avec les prophéties. Parce que là, il y a des affaires qui sont pas trop connues, qui sont formées en Europe, qui sont des millénaristes sionistes, là. Puis eux autres, ils ont tout le temps voulu accélérer les prophéties. Puis on parle des affaires assez spéciales. Il y en a beaucoup qui sont allés en Amérique, dans le sud des États-Unis. Puis c'était un peu la base qui est faite à Hollywood. Puis il reste que ces sectes-là existent encore. Puis il reste que c'est eux autres qui les intéressent, pas tant la religion que la politique. C'est pas des penseurs, c'est des gens d'action. Bien sûr, bien ça, être dans. Puis aussi, bon, ils vont être portés à faire travailler les autres pour leur cause. Ils sont bons là-dedans. Mais, tu sais, je veux dire, personne. Ça intéresse pas le monde, mais il reste que derrière, tu peux avoir un projet qui instrumentalise le religieux, que ceux qui sont les gouvernants qui instrumentalisent le religieux, qu'en fond, quand tu regardes en apparence, ça a l'air des athées. Mais pourtant, loin, loin en arrière, t'as du monde, c'est des croyants. Mais d'une vision tordue de la religion. Fait que tout le monde instrumentalise tout le monde. Puis il reste que ça marche bien. Ça jusqu'à date, ça a tout fonctionné, là, leurs affaires. Fait que. Mais souvent, un projet qui va trop bien, ben c'est en dernier là, que ça finit mal. Que ça marche pas. S'il reste que ça fait tellement longtemps, puis c'est des affaires qui ont pris tellement de temps à se créer. Juste, moi, je regarde l'État d'Israël par rapport à, bon, ceux qui pensent que, bon, ils pouvaient arrêter l'exil puis retourner là-bas. Ben, quelque part, ça marche pas, là. Il y a des séfarades, il y a des ashkénazes, ils se comprennent même pas quand ils parlent. Il y a des juifs russophones. Il y a des juifs qui viennent d'Éthiopie. D'ailleurs, les juifs noirs, parce que ça existe, le monde, mais il y en a, qui viennent de certains coins comme l'Éthiopie, puis ils se sont fait stériliser en arrivant. Par les autorités israéliennes? Oui. Tu Ah, sais. ils n'en parlent pas de ça sur nos médias de masse. Ben non. Puis de façon, c'est insidieux. Mais c'en est juste ça, à mes yeux, des crimes contre l'humanité. Sion, ça fait référence. Là, c'est sûr que tu es sans doute plus calé que moi, là, mais il me semble que c'est en lien avec un lieu sacré, la cité ou la ville de Sion, quelque chose comme ça. Tu sais, ça. Je comprends que c'est peut-être instrumentalisé par des athées qui ont une visée internationaliste, là, mais il devait avoir quand même un fondement à la base, je veux dire, au mouvement. Ben, c'est parce que c'est bizarre. Dans le fond, c'est plus un espèce de nationalisme, du chauvinisme juif. C'est une forme de nationalisme. C'est idéologique. Mais il y a tellement de juifs orthodoxes qui sont pas en Israël puis qui veulent pas y aller parce que ça va contre la Torah. Puis ils le disent. Mais eux autres, il y a personne qui veut les laisser parler puisque comme s'ils n'existaient pas. Mais à mes yeux, c'est eux autres, au moins, ils sont, comment je pourrais dire ça, il y a une logique là, dans la façon qu'ils agissent. Ils disent, on est encore en exil, puis on n'a pas d'affaire à retourner là-bas, il peut juste en arriver du mal parce que on va être encore puni. Parce que je veux dire, il aime ça, botter le cul de son monde, dans le sens que c'est rough, là. Dire, ah oh, ben, ça a accéléré la venue de Mashiach, mais ça, c'est chez les sabbato-franquistes, ils sont complètement sautés, eux autres. Ils pensent que Même, ils pensent que c'est correct d'agir le pire possible avec les populations là-bas, parce que plus tu fais le mal, plus tu accélères la venue du Messie. Donc, faire le mal, c'est bien. Ben, parce que ça amène paradoxalement un retour du balancier. Oui, mais il est supposé puis avoir de retour après. Mais c'est un messianisme tordu.